Laissez-moi dans les rues, le long des avenues. Quelquefois, le soir tombe un peu moins vite. Laissez-moi sur les ponts des villes où nous allons. Quelquefois, l'air nous semble électrique. Et on ira, c'est promis, passer Noël à Paris. Alice et moi, Alice et moi, Alice et moi, sur les quais des gares abandonnées. Quelquefois les trains n'arrivent jamais. Laissez-moi dans les bars, les fauteuils en cuir noir. Quelquefois on boit, on boit, on boit. Et on ira, c'est promis, passer Noël à Paris. Alice et moi, Alice et moi, dans les lits des hôtels du midi. Quelquefois aussi la lune nous sourit. Laissez-moi sur les tables, les cafés imbuvables. Quelquefois me laisse écrire mes chansons. Et comme il